Les Nuits de France Culture, la nuit des actrices du cinéma français 1929-1944. Bonsoir Bruno Villien. Bonsoir Philippe Garbi. Alors, c'est bien l'intitulé de cette nuit, et c'est aussi, quel hasard, le titre du dictionnaire. Carmel Delorme vient de faire paraître aux éditions L'Aide-Mémoire, premier tome, d'Arletty à Kiki de Montparnasse. Près de 800 pages. Armelle Delorme était notre invitée en début de nuit. En sa compagnie, nous avons feuilleté ce volume imposant, érudit, et évoqué de nombreuses actrices. Alors, les célèbres sont très intéressantes, bien entendu, mais les inconnues le sont encore plus, à mon sens. Enfin, inconnues, celles qui, plus précisément, sont aujourd'hui oubliées. Alors, vous êtes critique de cinéma, de théâtre et d'opéra, Bruno Villien. Vous avez publié au moins deux gros ouvrages sur Hitchcock. Enfin, un gros ouvrage sur Hitchcock, un plus petit. Un autre sur Visconti. Vous avez publié aussi une biographie de Talma, l'acteur favori de Napoléon Ier. Donc, vous aimez les stars, Visconti, Hitchcock, Talma. Mais je suis sûr que vous aimez aussi les actrices au nom, qui encore on a un tout petit peu oublié. C'est ce qui m'a beaucoup surpris dans ce livre, c'est qu'évidemment on retrouve toutes les actrices les plus célèbres, à commencer par Arletty. On retrouve les grands seconds rôles, qu'on a appelés les excentriques du cinéma français, comme Pauline Carton, Jeanne Fugé-Gir. Mais là où j'ai été vraiment étonné, c'est que l'auteur a retrouvé des actrices dont je ne connaissais même pas le nom. Ça veut dire que c'était des actrices qui jouaient de si petits rôles qu'elles n'avaient pas leur nom dans la générique. Il faut dire qu'à l'époque, dans les génériques des films étaient beaucoup plus courts qu'aujourd'hui. Et donc, des seconds rôles n'étaient pas nommés. Alors, il a vraiment fait un travail gigantesque dans les archives, parce que non seulement il a retrouvé ces actrices qui ont eu des carrières extrêmement modestes dans des films dont certains ont disparu, mais il a vu lui-même certains films, puisqu'il réussit à décrire les rôles que ces actrices de tout petits rôles jouent. Petit rôle, c'est vraiment pas le cas d'Arletty dont on vient entendre l'émission, les Mémoires imaginaires. Enfin, je suis comme je suis. C'est une émission donc de 1951. Vous avez connu Arletty? Alors j'ai eu la chance de très bien la connaître et surtout elle m'a accordé de très longs entretiens pour la presse écrite et un pour la télévision et donc qui ont paru dans le Nouvel Observateur, dans le mensuel Cinématographe, dans la revue Acteur, où elle évoquait toute sa carrière au cinéma d'une part et sa carrière au musical et au théâtre de l'autre. Alors c'était extrêmement intéressant parce qu'elle avait une mémoire absolument extraordinaire. Et par exemple, c'était dans les années 80, elle se souvenait des paroles, des chansons, des revues de RIP qu'elle avait chantées en 1930. Donc c'était quand même un demi-siècle plus tôt. Elle fredonnait ces paroles des chansons. Et puis elle avait, vous savez, une manière de parler qui lui était très personnelle. Je parle pas de son ton un peu gavroche qu'on a beaucoup imité, parce que ça, elle m'avait dit, ça je le prends et je le quitte. Mais quand, dans la vie quotidienne, elle avait pas un accent particulièrement parisien. Mais elle avait un sens des mots extraordinaire. Et c'est en l'écoutant parler que j'ai compris que des grands dialoguistes comme Janson ou Prévert ont écrit vraiment pour elle. Alors elle était très modeste, elle le niait, elle disait qu'ils n'avaient pas écrit pour elle, mais en fait c'était évident qu'elle les avait inspirés, particulièrement par exemple pour le rôle de Garance dans Les Enfants du Paradis, parce qu'elle avait vraiment le génie du mot. Alors elle mélangeait des mots de la vie quotidienne avec des mots d'argot très démodés. C'était très très amusant de l'écouter, même pour une courte conversation au téléphone. Et alors quand on publie comme ça des entretiens avec Arletty, c'est alors quand c'est pour la presse écrite, il faut réécrire ou comment ça se passe? Absolument pas. Non, je réécrivais absolument pas. Rien, il y avait rien à réécrire. Tout ce qu'elle disait était parfaitement au point. Non, je réécrivais pas. Et quand on lit ces entretiens, nous lecteurs, on entend, à votre avis? C'est ce que j'espère. Comme c'est très respectueux de la forme qu'elle donnait à ses phrases, j'espère qu'on l'entend avec sa propre voix. Oui, c'est la difficulté de la transcription quand même dans une interview pour la presse écrite. Parfois, il faut un peu réécrire pour être fidèle finalement. Oui, mais là, avec elle, il n'y avait absolument rien à réécrire. Et là où j'ai eu à réécrire, c'était plutôt des entretiens, je dois le dire, avec des jeunes comédiens, des jeunes comédiennes qui s'exprimaient mal, qui disaient des banalités. Alors là, ça, c'était plus difficile. Bon, ça ne devait pas être le cas avec la comédienne que l'on va entendre, que vous n'avez certainement pas croisée. Enfin, je n'en sais rien. Après tout, c'est un extrait de sa joie de vivre. Dites-moi, madame, pourquoi êtes-vous trois personnes en une seule? Parce que N'est-ce pas, je suis toi. Je suis Fusier, parce que je suis la fille de Léon Fusier, un célèbre fantaisiste qui a été chéri du public. Je m'appelle Gire, parce que je me suis mariée avec Charles Gire, un sculpteur et un peintre remarquable. Et je m'appelle Fusier Gire, je suis... Peut-être que vous me connaissez, enfin, oui, madame, vous avez entendu parler de moi. Oui, oui, madame, sûrement. Oui, sûrement, madame. Puisque vous m'avez fait venir. Oui, oui, oui, sûrement, il y a sûrement une raison. Il va y avoir quelque chose comme ça, oui. Et alors, vous êtes d'une famille de comédiens, votre papa était donc Léon Fusier, mais alors, vous aviez des sœurs. J'ai deux sœurs qui sont comédiennes, que vous avez applaudi certainement, et vous allez applaudir Isabelle Fusier. Vous avez Berthe Fusier aussi. Berthe Fusier. J'ai un frère aussi, mais il ne fait pas de théâtre. Bon, et votre fils, lui, il est dans le spectacle aussi. Oui, il est metteur en scène de cinéma et de télévision. Et vous avez une nièce. J'ai une nièce qui est Denise Jans, du Théâtre français. Et votre fils a épousé la sœur de qui? De Louis de Funès, un acteur que tout le monde aime aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'on a à peu près fait le tour d'une famille de comédiens, là. J'ai un oncle qui a été à l'Opéra Comique, qui est un chanteur. Il a même son buste dans le foyer de l'Opéra Comique. La joie de vivre, un extrait de Jeanne Fusier-Gire par Robert Chazal et Henri Spad, diffusé le 20 mai 1956 sur la chaîne parisienne. Jeanne Fusier-Gire. Alors malheureusement, je ne l'ai pas rencontré, je ne l'ai pas vu jouer au théâtre, mais j'ai beaucoup vu au cinéma, parce qu'elle a dû tourner quelque chose comme 100 ou 150 films, quelquefois dans des rôles très brefs, mais c'était le talent de ces acteurs et de ces actrices qu'on appelait de complément, c'est-à-dire que les scénaristes de l'époque... Qui avait un talent qui, à mon avis, a disparu aujourd'hui, écrivait même les tout petits rôles pour donner quelque chose à défendre aux comédiens et aux comédiennes. Ce qui fait qu'ils apparaissaient quelquefois 3 minutes, mais qu'ils avaient une réplique drôle et le public s'en souvenait. Et c'était le cas de Jeanne Fusier-Gire, de Pauline Carton, de toutes ces dames qui n'avaient pas des physiques de stars, mais qui jouaient au contraire de leur physique de tous les jours pour jouer les concierges, les patronnes de bistrot... beaucoup les domestiques. Et vous, comment voyez-vous ces films? Parce que, d'accord, avant, c'était, à une époque, c'était la cinémathèque, ça a été la télévision, mais comment peut-on être, enfin, demander à Armel Delorme, lui, il passe sa vie dans les vidéothèques, sur googliser, je ne sais quoi, voilà. Enfin bon, c'est infernal comme recherche. Moi, je suis moins moderne, j'utilise que les DVD. Mais évidemment, ça a tout changé, puisque maintenant, il y a des films complètement inconnus, qui, pour des raisons miraculeuses que je ne comprends pas, ressortent en DVD. Personne ne doit les acheter, mais quelquefois, comme je vais beaucoup dans les foires à tout, les foires au papier et les puces, j'en trouve des films. Là, par exemple, je reviens de Caen et de Rouen, je suis allé voir des opéras pour écrire dans Opéra Magazine. Coup de bol, je suis tombé sur des puces, et là, j'ai trouvé non seulement des vieux films, mais de cinéma, mais même des séries de télévision. Alors comme moi j'ai pas la télévision, j'ai juste l'appareil qui me permet de regarder les DVD, alors ça m'amuse beaucoup de voir ces vieilles séries qui ont 20 ans ou quelquefois moins, parce que souvent dans les petits rôles, il y a justement des acteurs et des actrices connus au cinéma. Alors par exemple, on a donc rencontré Armel Delorme, on rencontrera plus tard dans la nuit Didier Griselin qui viendra nous parler de son livre sur Françoise Rosay. Vous ne vous connaissez ni les uns ni les autres, mais qui sont ces gens qui travaillent sur des vieilles comédiennes comme ça? Vieilles comédiennes, le terme n'est pas péjoratif. Des comédiennes qui ont surtout donné l'impression d'être vieilles. C'est par exemple, on parlait de Jeanne Fusier-Gire ou Pauline Carton, elles ont évidemment débuté jeunes, mais on les voyait jeunes, on les voyait pas. On se souvient d'elles que dans leur rôle. Grincheuse ou domestique, où elle donnait l'impression d'avoir toujours eu au minimum 70 ans. Alors, pour répondre à votre question, il y a des fanatiques, des acteurs et des actrices d'autrefois. Dont vous êtes. Dont j'ai toujours été. Et alors, il faut surtout pas se retrouver avec eux parce qu'ils se mettent à parler de leurs chevaux de bataille et la plupart sont extrêmement intolérants. Et donc, si on a le malheur d'aimer telle actrice, ils vous disent tout de suite qu'elle est archi nulle et vous en sortent une autre. 1000 fois moins connus et que eux trouvent génial. Donc ce sont vraiment, ils sont en général toqués, il faut bien dire. Mais vous ne l'êtes pas? Ah non, moi pas du tout, parce que moi j'ai la chance de m'intéresser beaucoup au cinéma d'hier, mais aussi quand même un peu à celui d'aujourd'hui. Et puis surtout, j'ai fait beaucoup d'articles aussi sur le théâtre, et je continue à faire des articles sur l'opéra. Et je sais pas pourquoi, je suis un des rares à sévir dans les trois domaines. Alors, il y a un domaine dans lequel vous avez sévi, peut-être C'est autour d'un personnage, une comédienne très connue, Mais vous avez fait une ou deux conférences, je crois, sur elle, ou plus que ça. Alors, on va l'entendre, et puis après, vous allez réagir très, très, avec une pertinence que nous attendons tous. Eh bien, je viens de terminer un film qui s'appelle « La vie est un jeu », un film qui, je l'espère, sera très gai et très amusant. Un film gai, bravo, bravo. Oui. Avec qui ? Avec Rélis, Martinelli, Jacques Méran, Jimmy Gaillard, Dinam et encore beaucoup d'autres. Qui est Dinam ? Dinam est un garçon qui a beaucoup de talent et qui est extrêmement gai. Dinam, dynamique, il mérite son pseudo. Ah, vous avez exactement raison. Ah, ben, tant mieux, je suis bien content. Eh bien, puisque vous en dites tellement de bien, c'est que c'est sûrement vrai. Et maintenant, pendant ce film si gai, cette vie est un jeu, est-ce que vous êtes amusé ? Ah oui, beaucoup, parce que nous avions la chance de tourner aux environs de Paris. Alors tous les jours, nous partions à la campagne, on mangeait des petites fraises dans les champs, on s'amusait, enfin c'était charmant. Ah, ben je vous vois très bien, ça devait être ravissant, absolument parfait. Bon, et vous repartez après, on va parler de la fin des vacances, vous partez quand ? Ah, hélas, lundi. Lundi, eh oui. Train bleu, l'avion ? Train bleu. Cause du verglas. Et Paris sous la neige. Bon, tant pis pour vous, Jacqueline de Lubac. Et alors, à Paris, qu'allez-vous faire ? Eh bien, je pense que d'ici 2 mois, je vais recommencer à tourner avec le même metteur en scène, c'est-à-dire Le Boursier, oui. Avec qui je viens de tourner La vie est un jeu. Nous allons tourner soit une comédie gay, soit un film beaucoup plus important. Ah, alors il faut se mettre à table, comme on dit. Eh oui, mais je ne vous dirai tout de même pas le titre. C'est un film qui sera tiré d'après un roman de Balzac. Ah ben c'est tout simple, alors le titre. Non, je ne vous le dirai pas. Oh si. Non, il n'y a rien à faire, vous ne le saurez pas. Alors bon, des secrets avec Balzac. Bon, vous ne voulez pas le dire, c'est un film alors historique. Presque. Avec des costumes. Oui. De quelle époque ? Je n'en dirai pas plus long. Ah, mais c'est qu'elle est verrouillée, vous savez. Vous ne m'aurez pas. Ah, ça, c'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. Tant pis, j'abandonne. Et ça, ce sont les projets immédiats. Oui. Mais les autres, plus loin. Ah, dans l'avenir, je vois une grande tournée. Ah, une grande tournée où ? Oui. Peut-être dans l'Amérique du Sud encore. Oui, parce que... Ah, vous y êtes déjà allé. Oui, mais enfin, il y a beaucoup de pays que je n'ai pas fait, tels que le Venezuela, la Colombie, le Pérou. Les tropiques, Cancer, et Capricorne. Oui. Et peut-être petit retour par Mexique. Eh ben, je pense, de l'altitude. Et là, vous y partez comment ? Avion. Et avec qui ? Ah, ça, je ne peux pas vous dire. Une toute petite troupe ! Une toute petite troupe, nous ne serons en tout et pour tout que 4. 4 ? Et on ne peut pas savoir les 3 autres noms ? Non. Et très peu de bagages. Eh, quelques-uns tout de même, pour les robes et les costumes. Ah oui, tout de même. Parce que nous jouerions 2 pièces à 4 personnages. Et ensuite, notre 3e spectacle serait un genre de conférence, poésie, certaines scènes de pièces classiques ou de pièces modernes. Bon, et tout ça, en somme, très pratique, comprimé. Un comprimé d'art français. Voilà, exactement. C'est très bien. Eh bien, vous savez maintenant, Jacqueline de Lubac, je ne sais pas, je voudrais vous poser une question idiote, enfin quelque chose qui ne soit pas exactement dans le... Vous m'inquiétez. Ah oui, voilà. Eh bien, écoutez, Jacqueline de Lubac, vous n'étiez pas Jacqueline de Lubac, si vous n'étiez pas la grande comédienne que l'on aime, qu'est-ce que vous vouliez être ? Attendez que je réfléchisse. Eh bien, je voudrais être industrielle. Hein, comment ? Industrielle. Non. Fabricant de soieries. Fabricant de soieries ? Oui. Non, mais avec un beau bureau. Oui. Puis des téléphones. Oui. Des livres de comptes. Oui. Et des administrateurs. Oui, et il marcherait. Eh bien, Jacqueline de Lubac, je ne vous crois pas. Vous êtes capable, vous, de faire ça ? Oui, mais vous savez que je suis petite fille de fabricant de soieries, alors j'aime la soie. Jacqueline de Lubac, son actualité cinématographique à Radio Nice en 1951. Alors, elle avait raison de ne pas donner le titre du film tiré d'après Balzac parce que le film ne s'est pas fait. Elle avait raison de dire qu'elle pourrait être fabricante de soieries, Bruno Villien. Tout à fait, parce que comme elle le dit, elle était purement lyonnaise et d'une famille de soyeux. Donc elle a été élevée à Lyon, mais elle était très passionnée de théâtre et aussi, j'imagine, de cinéma. Et elle a obtenu que sa mère l'accompagne à Paris pour débuter, ses parents ayant mis comme condition qu'elle ait sa majorité, qui à l'époque était à 21 ans. Alors c'est ce qu'elle a fait, elle est venue à Paris. Et comme elle était absolument ravissante, c'était une brune avec des yeux pervenche et une silhouette fine comme un haricot. Elle a tout de suite eu beaucoup de succès. Elle a débuté comme girl de revue, c'est-à-dire les girls, elles étaient à côté du chanteur ou de la chanteuse principale et elles dansaient en chantant en chœur. Pour une famille de soyeux lyonnais quand même. Oui, mais il y avait sa mère qui lui servait de chaperon. Et puis après, elle a très très vite débuté au théâtre avec des rôles, des vrais rôles. Alors, la Jacqueline de Lubac, pour nous, c'est quand même lié à Sacha Guitry. Ah ben, pour cause, puisqu'ils ont vécu ensemble pas très longtemps, ils n'ont vécu ensemble que 4 ans, mais par contre, ils n'ont pas arrêté de travailler, puisqu'ils ont joué des pièces tout le temps, et ils ont tourné plusieurs films. Et alors, quand j'ai eu la chance de la connaître un petit peu, je l'ai beaucoup moins bien connue qu'Arletty, mais enfin, quand même, elle m'avait dit que, par exemple, que c'était elle, à sa demande, que Guitry avait refait du cinéma. Parce que Sacha Guitry avait tourné un documentaire qui était d'ailleurs tout à fait passionnant pendant la guerre de 14, où on voit par exemple Monet et Sarah Bernhardt, mais après il avait plus fait de cinéma, que du théâtre. Et elle lui a demandé d'écrire un film pour elle, bien entendu, où elle aurait le rôle principal avec lui, naturellement. Bah. C'est ce qu'il a fait, et c'est un film qui s'appelle Bonne Chance, qui est un très joli film, et qui a surtout une particularité rare dans l'œuvre de Guitry, c'est qu'il se passe presque entièrement en extérieur, puisque c'est une course-poursuite à la poursuite d'un ticket de loterie, si je me souviens bien. Et donc, contrairement à ses autres films, où Guitry tournait toujours en décor, et souvent il a filmé ses propres pièces dans leur propre décor, là, ça se passe en extérieur. Et donc, c'était les nouveaux débuts de Guitry au cinéma, et ensuite, il n'a plus cessé de tourner au début avec elle, et puis après avec ses épouses successives. Alors donc, est-ce qu'elle a abandonné le cinéma pour redevenir soyeuse ou... Ah non, elle n'a pas réalisé ce dont elle parle dans l'entretien. Elle a abandonné le cinéma pas longtemps après l'entretien en question, au début des années 50, parce que je crois d'une part que les films qu'elle a tournés à cette époque-là, je n'en ai pas vu, donc je ne sais pas si c'était de bonne ou mauvaise qualité, mais en tout cas, ils n'ont pas eu de succès de ses films précédents, dont certains avaient été de grands succès. Et puis, elle a rencontré un nouvel homme dans sa vie, qui était lui un industriel, mais pas de la soie, et elle a vécu avec lui, et surtout, elle a trouvé une nouvelle passion, c'était la collection de tableaux. Oui. Et alors, on dit qu'elle a vendu les bijoux que Sacha Guitry lui avait offerts et qu'elle avait gardés sagement. Elle les a vendus et elle a investi dans des peintures, de la peinture qui était pour l'époque d'avant-garde. Par exemple, elle a été une des premières en France à acheter une œuvre de Francis Bacon. Alors, vous savez, c'est des peintures extrêmement torturées dont à l'époque, c'était quand même considéré comme extrêmement d'avant-garde. Alors, elle a continué à faire cette collection toute sa vie pendant que son compagnon qui est devenu après son mari, lui, il avait des goûts plus orthodoxes, il collectionnait les impressionnistes. Et il avait par exemple un immense Manet magnifique d'un déjeuner sur l'herbe. Alors, ils avaient chacun leur appartement, un des deux était à Neuilly, je ne sais plus lequel, avant de mourir, elle est morte très âgée, elle avait organisé la donation de sa collection au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Donc elle est revenue, si on peut dire, dans sa ville natale, et au Musée des Beaux-Arts de Lyon, qui est un très très beau musée dans un très beau lieu, au centre de Lyon, il y a une salle qui lui est consacrée. Alors on voit les tableaux qui lui appartenaient, il y a un Rouault par exemple, et puis il y a même son portrait par Bernard Buffet, qu'elle avait fait faire, évidemment, Buffet étant à l'époque, dans le début des années 50, très à la mode. Et le musée a eu la bonne idée, il y a quelques années, de faire une exposition sur Jacqueline de Lubac et on reconstituait son salon. Alors c'est très très somptueux avec des toiles magnifiques et il y a un très très beau catalogue et ce qui est la bonne nouvelle c'est qu'on peut l'acheter. Alors on a un gros catalogue avec beaucoup de photos non seulement des œuvres d'art mais d'elle dans tous les spectacles elle a joué. Elle est très très photogénique et ravissante et elle est d'un genre de beauté qui contrairement à certaines autres de ces dames c'est pas du tout démodé. Oui, c'est pour ça que vous avez fait des conférences sur elle. C'est parce qu'elle n'était pas démodée. Alors oui, c'est une des raisons, mais c'est surtout on m'a demandé à Lyon, évidemment, oui. De parler d'elle. La cinémathèque de Lyon m'a demandé de parler de quelque chose qui avait un rapport avec le cinéma et qui a un rapport avec Lyon. Alors j'ai tout de suite pensé à elle, évidemment, puisque il n'y avait pas plus lyonnaise qu'elle. Et ce qui est drôle et paradoxal, mais ça c'est la magie du métier de comédien, c'est qu'elle a joué toute sa vie des rôles de parisienne typique, alors qu'elle n'avait pas du tout une goutte de sang parisien. Vous avez donc lu entièrement, peut-être pas, mais en tout cas feuilleté le livre Actrice du cinéma français d'Armelle Delorme. Vous ne pensez pas que derrière chaque personnage, comme ça, enfin personne en fait, il y a des romans qui c'est... Mais ça, c'est ce qui est passionnant dans le livre, c'est qu'il raconte les carrières, mais il raconte aussi les vies. Alors, par exemple, il parle du théâtre et éventuellement de la télévision, quand certaines de ces dames ont terminé leur carrière à la télévision, qui était à ses débuts, ou même celles qui ont vécu jusqu'aux années 80. Et il raconte leur vie quand leur vie a une répercussion sur la carrière ou quand la vie prend son importance à elle. Et il y en a effectivement certaines de ces dames qui ont mené des existences incroyablement romanesques. Et alors, le romancier à qui on pense tout le temps, parce que je pense que s'il a ce livre entre les mains, s'il a ce livre entre les mains, il va rester avec ce livre pendant plusieurs semaines sans rien faire, c'est Modiano, évidemment. Alors, sa propre mère, qui était actrice, n'y est pas encore, parce que... Elle est dans le deuxième tome, peut-être. Elle sera dans... je ne crois pas, parce que là je pense pas qu'elle ait débuté avant 44. Je suis même sûr que non. C'est la date limite. Mais je pense qu'après, il va faire une deuxième série de 45, peut-être jusqu'à nos jours. Ouais. Et tous ces noms aussi sont des personnages de Modiano. Enfin bon, parce que peut-être. Alors, il y en a beaucoup qui sont des personnages de Modiano pour la bonne raison que ce sont des pseudonymes. Et alors, c'est des pseudonymes à la mode des années 30 qui ont souvent quelque chose d'un peu comique pour nous. Bah, que fallait-il faire comprendre aux téléspectateurs, bien sûr, mais aux spectateurs de cinéma, des cinémas des années 30. Quel était le nom qui allait... Il fallait que les pseudonymes évoquent des femmes jeunes et jolies, évidemment. Quel que soit l'âge. Ah ben non, Jeanne Puisier-Gire, elle a gardé son vrai nom. Enfin, ses vrais noms. Mais c'est ce que disait Armelle Delorme, c'est qu'elles ont toutes commencé jeunes. Enfin, pas toutes, non. Non. Mais enfin, la plupart. Et que malgré tout, c'est vrai qu'on a une idée de parce que le temps a passé que voilà c'est même si le film les a on les voit Daniel Darrieux on la voit très jeune mais on a quand même le souvenir d'elle plus âgée après non mais parce qu'on a nos souvenirs personnels datent de plus récemment mais c'est vrai quand on revoit les films de Daniel Darrieux qui a débuté je pense à 16 ans on la voit vraiment gamine. Et c'est la même chose pour Michel Morgan, qui a débuté aussi très jeune. Micheline Prel aussi, qui est encore de ce monde. Elle a débuté aussi à 17 ans, je crois. Et donc, Prel, elle a débuté par des grands rôles. Donc, contrairement, Dario aussi, Michel Morgan a d'abord été figurante, puis après, elle a eu des grands rôles très vite, mais Micheline Prel, on la voit tout de suite dans des rôles principaux, donc on la voit à 18 ou 20 ans. Mais vous, Bruno Villien, au cours d'interview, peut-être pour faire parler quelqu'un d'une troisième personne, est-ce qu'il vous est arrivé de voir justement de ces comédiennes dont il est question dans ce livre et de se dire, elle-même, la personne qui est face à moi, n'a pas fait grand-chose, mais je suis en train de lui demander ses souvenirs sur Arletty, sur Michel Morgan, sur je ne sais quoi. Ah oui. Et c'est un petit peu gênant quand même. Pas du tout, parce que les actrices sont ravies de parler de tout en général, et d'elle en particulier, et éventuellement des autres actrices. Et ça me fait penser tout de suite ce que vous me racontez à une actrice très très amusante, qui a droit à plusieurs pages dans le livre, qui s'appelait Martine de Breteuil. Et ça n'était absolument pas un pseudonyme, c'était le nom de son mari. Elle avait épousé François de Breteuil, l'héritier du magnifique château de Breteuil, comme il se doit dans la région parisienne. Mais avant, elle avait débuté dans les années 30 sous le pseudonyme de Moussia, parce qu'elle était d'origine russe. Et elle était ce qu'on appelait une petite femme de revue. Donc elle était légère et court-vêtue, et on la voit qui danse et qui chante un peu en arrière-plan. Elle a fait justement un film avec Arletty, qui est le seul de ces années 30 que j'ai vu. Et alors, elle était devenue une dame d'âge tout à fait indéterminé et très très elle faisait encore des apparitions au cinéma et à la télévision dans des petits rôles mais surtout elle était très très active au théâtre. Elle avait une sorte de petite troupe de jeunes garçons et de filles qu'elle devait payer des fifrelins et elle se réservait toujours le rôle principal. Et alors comme le raconte l'auteur Armelle Delorme, on disait qu'elle était sûrement la Alice au Pays des Merveilles, la plus âgée qu'on ait jamais vue, parce qu'elle avait le culot de jouer des rôles principaux de pièces alors qu'elle avait 50 ans de plus que les personnages. Alors c'était un personnage très très drôle. Et alors une fois, elle a eu la gentillesse de m'inviter à déjeuner à l'Espace Cardin. À l'époque, il y avait un restaurant qui était très fréquenté par les acteurs et les actrices de théâtre parce que il ouvrait tard le soir. Et alors là, je lui ai fait raconter de ses souvenirs de jeunesse et tout, mais elle était quand même, elle avait pris un côté d'Adam, en ce sens que elle voulait visiblement pas du tout parler de l'époque où elle était modèle pour les peintres ou petite femme un peu déshabillée. Ça, c'était elle, visiblement, là, j'ai tout de suite vu que c'était pas de ce sujet-là qu'il fallait parler. En revanche, elle avait tourné avec beaucoup de célébrités dans des petits rôles, mais elle les avait vus, elle les connaissait. Et puis peut-être que non pas figurantes, mais les deuxième ou troisième rôles pensent que tout le film tient sur leurs épaules. Ah, ben, bien sûr. Alors là, ça, c'est un autre souvenir, mais parce que j'ai moi-même fait de la figuration. Et j'ai été figurant dans un film où il y avait des figurants professionnels. Donc, ils étaient payés. Moi, j'étais pas payé. Je venais parce que je connaissais le réalisateur. Et alors, ils étaient très, très vaniteux. Et ils avaient des albums avec toutes leurs photos de tous leurs tournages. Et quand ils... Alors, bien entendu, moi, j'en avais fait parler. Alors, on voyait Gabin et puis le figurant tout, tout petit dans un coin. Et alors, ils disaient « Mon film avec Gabin ». Exactement comme si c'était eux le rôle principal et Gabin avait eu la chance d'être figurant. Merci Bruno Villien. Bien écoutez, cette nuit des actrices du cinéma français 1929-1944 se poursuit avec Simone Renan, Paulette Dubost, puis Didier Griselin qui viendra nous parler de Françoise Rosay, Edwige Feuillère que vous avez connue, mais oui. C'est trop tard pour en parler, on n'a plus le temps. Pauline Carton que vous avez connue? Ah non, Pauline Carton malheureusement non. Trop tard. Maria Cazares et puis oui. Blanchette Brunois. Alors Maria Cazares et Blanchette Brunois, j'ai eu la chance qu'elle me donne les entretiens, oui. Et puis on peut trouver votre livre sur Hitchcock, votre livre sur Visconti, ça se trouve certainement sur Internet. Sur Internet, voilà. Oui, et même pas cher du tout. Je le dis puisque je touche plus de droits alors. Merci.